Mallette du style, lunettes du style, t'es net du style. Soir tu changes d'ustensile, t'as des sugo, une grande baraque, une go. Y'a de la quemar dans ton frigo, fume pas de bédo. Au boulot, tout le monde te dit bonjour. Oh, cache un gros bâtard derrière ta chaîne en or. Un enfoiré, c'est tout ce que tu es. Après l'avoir violé, tu l'as abandonné, puis tu es. Parce que tu sais que t'as une tête de bête, c'est con qu'on embête, la mère qui attire des bêtes. Pourri, comme on n'en a jamais vu, t'as pas peur qu'on te chope. Minuit et demi, châtelet, tu sors en thread d'un sex shop. Après le lendemain, on te complimente, on te serre la main, mais y'en a toujours qui mentent. Face à face, t'as de la tchatch, tellement vase dans tes faces qu'on pourrait t'appeler Alpatch. Un télo la journée, mais après le dîner, chasse naturel, il vient en galop. Tu reviens voyou comme Dimé, costard cravate, rien que tu nous blagues. Putain, arrête aussi hein. La nuit, tu veux savoir ce qui se passe la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, les trafics se font discrètement. La nuit, c'est là qu'on sort la vraie face des gens. La nuit, tu veux savoir ce qui se passe la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les esprits se laissent aller. La nuit, dans la rue y'a trop de tarés. Je dirais que, quelle que soit la vie que tu mènes, saine ou grillée, la préoccupation des autres c'est ce que tu caches sous l'oreiller. Rien n'est étanche mec, un jour tout se sait. Et tu ranges ton arrogance et parais toute baie. Alors faut la nuit, la grisaille, parce que les choses se font en douce mais fort. Les limites, les règles se repoussent encore. Le bon côté de la cervelle s'éteint, se couche et dort. Et on se lâche comme des oufs dehors. Ceux qui ont du flouze se niquent à la picouse. On merde, le monde finisse dans les soirées à partouze. Ceux qui ont moins de flouze critiquent ceux qui ont du flouze. Ne vont voir que le leur vie du coin et le film de boule à 12. Les nuits sont malsaines, ça reflète des jours trop sains. Un semblant de bonheur et des sourires trop bien. On fait les pantins, mais le gars là-bas, tu vas peut-être le croiser ce soir sur talon à faire le tapin. Prisonnier d'un système, la nuit on enfreigne les règles. Des animaux qui tournent avant que le jour se lève. Les mâles profitent de la merde dans ce crête. Profitent d'une autre vie qui s'étale parce que tous les chats sont gris et sales. La nuit, tu veux savoir ce qui se passe la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, les trafics se font discrètement. La nuit, c'est là qu'on sort la vraie face des gens. La nuit, tu veux savoir ce qui se passe la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les esprits se laissent aller. La nuit, dans la rue y'a trop de tarés. Le soleil se couche, l'obscurité absorbe le trottoir. Dès qu'il fait sombre, les gens speed et deviennent bizarres. Bazar, dans la nuit tout le monde se sent libre. Tout le monde se lâche et se laisse vivre jusqu'à en perdre l'équilibre. Les criminels aiment la vie nocturne. Nocturne égale, illégale, fortune. Ça speed sur le bitume, double personnalité. Je vois des femmes secrétaires dans la journée, mais prostituées dans l'obscurité. Dans la rue, tard le soir, les gens se confondent. On fait des choses immondes, stop une seconde. Oh, dites-moi où va ce monde. Personne se cache, on se fond dans la masse. Les guêpes marchent, la main dans la main et devant tout le monde ils s'embrassent, dégueulasse. Hey, fais gaffe à qui tu deals. Ce gars qui vient de pécho de la bœuf, c'est peut-être un flic en civil. Qui est vrai, qui est faux? Cette femme que je trouvais belle en fait, elle est laide. La nuit cache des défauts, les gars timides deviennent excentriques. Lascar, le jour homosexuel, la nuit, tout ça c'est pathétique. Le soir, je décompresse, j'évacue le stress. Je sais de quoi je parle, car moi aussi, je dors le jour et je vis. La nuit, tu veux savoir ce qui se passe la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, les trafics se font discrètement. La nuit, c'est là qu'on sent la vraie face des gens. La nuit, tu veux savoir ce qui se passe la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les esprits se laissent aller. La nuit, dans la rue y'a trop de tarés. La nuit.